Chapitre 11e. Tu ne sais pas, ma petite Christiane, quoi? Nous ne devrions plus nous tutoyer. Elle le regarda, toute saisie. Ne plus nous tutoyer, mais pourquoi? Parce que c'est une habitude, pas du tout chic. Ça, je te l'ai assez dit autrefois, quand tu as voulu. Oui, tu avais raison. C'est parce que je le reconnais que je te propose de cesser, au bout de 3 ans. Mais comment veux-tu? Si... Je t'assure que ça choque tout le monde. L'autre jour, au bois, Morière m'en a fait la remarque. Hier encore, à ce dîner, j'ai vu que chaque fois qu'il entend ce malheureux tutoiement, ça l'étonne. Ça l'étonnerait bien plus encore si subitement il nous entendait nous dire « vous ». Mais non, il ne le remarquera pas, ni lui ni les autres. « Je t'assure, Jacques, » dit Christiane, les yeux pleins de larmes, « qu'à présent ça me fera une peine affreuse de ne plus te tutoyer. Même si tu sais que ça me fait plaisir. » Même si je sais que ça te fait plaisir, attendu que c'est précisément ce plaisir qui m'attristera. » Il suivait à cheval l'avenue de l'impératrice. Monsieur Dargonne regarda sa femme. C'est pourtant dommage, avec un aspect comme le tien, de s'entêter dans ses habitudes ridicules. Tu oublies que c'est moi qui t'ai imposé ces habitudes, oui. Je reconnais que j'étais un serin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, je veux rester comme nous sommes. Autrement, je croirais que nous sommes fâchés, que tu es bête. Déjà, il semble à Christiane que depuis ce qu'elle appelait sa transfiguration, Jacques l'aimait plus violemment peut-être, mais moins bien qu'autrefois. Elle trouvait son amour plus passionné et moins tendre. Monsieur Dargonne était resté un peu en arrière, admirant sa femme. Il dit, d'un ton pénétré, « C'est une merveille, cette Amazone. Elle va. » Elle répondit en riant, « Dame, si elle n'allait pas, ça ne serait pas de chance. » Il la regarda, l'air heureux. « Le fait est que c'est très chic, ce que tu as fait là. » Elle ne répondit rien. Elle était honteuse, au fond, d'être allée à Londres exprès pour essayer cette Amazone, mais il l'avait fallu. Elle voulait une Amazone de whip, qui ne se déplace à aucun prix et ne consent faire que les vêtements qu'il essaie lui-même. Ravi, le comte répéta encore. « Ce qu'elle va, elle colle absolument comme une peau, c'est idéal. » « Je crois, » fit Christiane, blaguant ainsi Morière, qui citait volontiers les Anglaises élégantes avec lesquelles il chassait, « que Lady Dolby elle-même n'est pas plus réussie. » Monsieur Dargonne devint sérieux. « Tu as l'air de rire. André est reçu en Angleterre dans le monde le plus chic, tu sais. »« Je sais, je sais. Si je ne savais pas, c'est donc que je serais sourde. Car il parle assez de ça pour qu'on le sache. »« Tu es vraiment singulière, ma petite Christiane. » Il est certaines choses que tu ne comprends pas. » Elle dit, moqueuse, prononçant ainsi avant lui la phrase qu'elle pressentait. Certaines nuances? Sans voir l'intention, il reprit. Oui, certaines nuances. Morière n'a rien dit d'extraordinaire en parlant des selles et des Amazones de Lady Dolby et de Lady Dolby elle-même. Je ne dis pas qu'il ait rien dit d'extraordinaire. Alors pourquoi cet étonnement? Tu es un peu snob parfois, ma chérie. Ah! Fit-elle surprise. C'est moi qui suis snob. Je ne l'aurais pas cru. Dame, tu... Elle conclut, voulant finir. C'est bien possible, après tout. Chagny les rattrapait. Je vous annonce Létreuil et Morière que je viens de dépasser. Et voyant Christiane accueillir cette nouvelle sans enthousiasme, il ajouta. Les Givrais sont devant nous. Elle demanda. Si nous marchions. Mais son mari insista pour attendre les autres. Tout de suite, Morière et Létreuil les rejoignirent. À l'entrée des poteaux, M. Dargonne passa devant avec Christiane et Mme de Treuil, et Morière resta derrière avec Chagny et le baron. Quand ils retrouvèrent les Givrais, ils se mirent sur 3 rangs, et Christiane, Mme de Givrais et son mari furent en tête. Tout à coup, Morière poussa une exclamation. « Oh !» fit-il avec admiration. « Mme Dargonne a une Amazone bien faite. On dirait une Amazone de whip. » « C'est vrai, » dit la baronne, qui remarquait l'Amazone Christiane depuis qu'elle était derrière elle. « C'en est une, » dit négligemment M. Dargonne. « Comment ? » cria Mme de Treuil. « Vous avez une Amazone de whip, Mme Dargonne ?»« Oui, » dit Christiane, qui se retourna. « Comment avez-vous fait ? On m'avait dit qu'il fallait aller essayer là-bas. » Elle répondit avec un peu d'embarras. « J'ai été essayer là-bas. »« Oh !» fit Morière, enthousiasmée. « Oh, c'est très chic, ça, par exemple. » Jacques écoutait, l'air modeste et détaché. ayant l'air de trouver la chose toute naturelle. Les Treuil et Morier répétèrent avec ardeur « Oh, très très chic !» Et le marquis ajouta, aimable, en enveloppant Christiane de son regard le plus câlin « Je ne vous savais pas de cette force-là. »« Moi non plus, » murmura-t-elle, dépitée. Elle les trouvait imbéciles avec leur admiration. Morier reprit « Il est impossible de voir rien de plus réussi. Ainsi, en Angleterre, je... »« Aïe !» pensa Christiane. « Il va parler de Lady Dolby. »« Je n'ai vu que Lady Dolby qui fut aussi bien habillée, » continua André, imperturbable, sans voir que cette fois Madame d'Argonne riait de bon cœur. Bientôt Chani signala le comte Salomon. Il apercevait, très loin, un monsieur qui agitait désespérément ses talons dans le ventre d'un animal qui, l'encolure allongée, le nez dans l'herbe, broutait paisiblement. Ça ne pouvait être que lui. Agar goûta peu cette plaisanterie. Elle dit d'un ton pointu « Mon père serait très surpris, monsieur de Chani, s'il savait que vous moquez de lui, car il a pour vous un véritable culte. » Chani répondit en blaguant « Il a raison, madame. » « Il prétend, » continua la baronne, à moitié aimable, à moitié insolente, « que vous êtes d'une nature, comment dit-il déjà ?»« Ah, parfaitement, une nature supérieure. » Ça prouve, madame, que monsieur votre père est un homme de grand sens. On avait rejoint le banquier. En voyant les autres chevaux, son cheval renifla gaiement, lâcha l'herbe et vint se coller à côté de la jument de Rosette. Monsieur Salomon paraissait inquiet, préoccupé de quelque chose de grave. Il louchait furtivement sur mesdames d'Argonne et de Givray, commençait une phrase qu'il n'achevait pas, regardait de côté avec méfiance. Sa fille et son gendre, qui marchaient derrière lui, enfin, n'avaient pas du tout son tranquille aplomb habituel. « Qu'est-ce que vous avez donc, monsieur Salomon ?» demanda Chani, qui était venu se mettre auprès de lui. « Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. » Comme le banquier, ému, serrait les jambes avec inquiétude, Chani reprit. « Mais non, je veux dire moralement, vous avez l'air tout chose. »« Ah, voilà, » murmura monsieur Salomon, saisissant la perche tendue. C'est que je suis très chose, en effet. Pourquoi donc ça? Parce que je veux demander une grâce à ces dames, une grande grâce, et que j'ai peur qu'elles ne me l'accordent pas. Une grâce? Fit la petite de Givray inquiète. Oui. Je voudrais que vous me fassiez l'honneur et le plaisir de venir dîner chez moi. Et craignant l'excuse d'une invitation précédente, il acheva. Le jour qu'il vous plaira de choisir. Ouf, dit tout bas Rosette à Christiane. Ce n'est que ça, j'ai eu peur. Mais, questionna la comtesse, qu'est-ce que vous pensez donc que c'était? Je ne savais pas, il prenait des précautions horribles. Je pensais qu'il allait nous demander de nous embrasser, moi. Elle se tourna vers le banquier qui attendait, l'œil piteux et implorant. Mais ce sera le jour que vous voudrez, ça m'est égal. Demandez à madame d'Argonne. Madame d'Argonne accepte aussi. Ah, c'est gentil, ça, fit-il enchanté. C'est vraiment bien gentil de venir de la maison mal organisée d'un vieux garçon. Il y avait si longtemps que Madame Salomon était sortie de ce monde, et elle y avait tenu si peu de place que son mari oubliait volontiers son passage. Il oubliait souvent aussi la présence d'Agar. Il se croyait, de bonne foi, un vieux garçon. Ce qu'il savait très bien, par exemple, c'est qu'il avait la maison la mieux tenue et le meilleur cuisinier de Paris. Il demanda « Mardi, voulez-vous mardi ?»« Va pour mardi, » répondit gaiement Rosette. Elle pensait au nez que devait faire Agar et elle se tournait tant qu'elle pouvait sur sa selle pour l'entrevoir. « Qu'est-ce que vous voulez faire le soir? Voulez-vous aller au théâtre? Voulez-vous Yvette ou quoi ?»« Yvette, » dit Madame d'Argonne. « Yvette, ce sera charmant. Nous nous amuserons beaucoup. » Et le père Salomon, en fond de lui-même, se disait « Elles sont très gentilles, ces petites femmes-là, quand on les connaît, et simples, et bons garçons, et pas à la pose. Agar n'est pas du tout de ce modèle-là. » Se retournant pour regarder sa fille, il la vit droite et élégante, les rotins, rendant du menton les saluts qu'on lui adressait, et l'acheva. Mais elle est plus distinguée. Tout à coup, la petite de Givray s'écria. « Faut pas que j'oublie que c'est aujourd'hui que j'essaie mon légume. » « Quel légume avez-vous définitivement choisi ?» demanda Chani. « Un chou frisé. »« Oh, c'est pas que ce soit très joli, non, mais c'est drôle. D'abord, c'est une couleur amusante, vert tout pâle, presque jaune, avec tout partout des petites veines roses. Elle allait dire, comme celle que M. Salomon a sur la figure. Elle s'arrêta court en voyant le banquier qui l'écoutait avec attention. Et puis, demanda-t-il, intéressé, et puis des ruches, des petites affaires qui me chatouillent partout. Chani dit, « Nous sommes confrères, car moi je suis en chou-pomme. Comment est-ce ? C'est vert, vert et rond, tout gros, une grosse boule. C'est bourré partout avec du coteau ou soutenu par des ressorts. Ça ne doit pas être très joli. C'est horrible. Mais c'est exprès. J'avais d'abord choisi le cardon. Le cardon, comment est-ce donc quand c'est cru ? Je n'en sais rien. Et c'était justement pour l'apprendre que je l'avais choisi. Mais on a dit que les porteurs de pomones seraient quatre légumes nobles et élégants. Alors vous pensez, si le cardon l'avait été noble et élégant, c'était l'inconnu. Je me suis dépêché de choisir un légume pas noble ni élégant, dont j'étais sûr. C'est gracieux tout à fait pour Madame d'Argonne ce que vous dites là. Madame d'Argonne sait bien que je la trouve très charmante, mais je suis sûr qu'elle comprend parfaitement que je préfère ne pas porter même le quart de son poids sur mes épaules par 45 degrés de chaleur. » Christiane ne les écoutait plus. Les costumes, les essayages l'avaient ramenée au petit salon jaune de Montau, à ses embarras d'argent, à tout le cortège d'ennuis qu'elle traînait depuis plus d'un mois à sa suite. Elle devait non seulement des robes et des manteaux, mais des petits jupons de soie et de dentelle, des lingeries fanfreluchées, mille riens jolis et coûteux. Elle était décidée à parler au couturier en allant essayer sa pomone, à lui demander d'attendre l'hiver pour le règlement de son compte et à le prier de ne pas faire la robe qu'elle lui avait commandée pour le grand prix. Une robe infiniment simple, simple avec affectation pour éviter l'endimanchement général de la plus laide des journées de course, mais qui, malgré cette simplicité, coûtait 800 francs. Elle ne voulait plus commander sans compter, en fermant les yeux pour ne pas voir devant elle comme elle le faisait depuis quelque temps. Le comte Salomon était resté en arrière, sur la même ligne que sa fille. Il voulait, en invitant Morière devant elle, lui bien montrer qu'il ne se laisserait plus mettre dedans par ses histoires antisémites ou autres. Chani, lui, avait couru après un de ses amis qui passait. Madame d'Argonne et Madame de Givray marchaient seules côte à côte. Christiane demanda. « Vous m'avez trouvé bête, vous, n'est-ce pas, avec cet essayage à Londres ? Mais non ! Je trouve que quand on est joli comme vous, il ne faut rien négliger pour mettre en valeur une beauté qui est en quelque sorte une propriété nationale. Vous vous moquez de moi ?» Elle répondit, sincère. « Non, pas du tout. Je vous jure que je vous dis, sous ma forme de blague, ma vraie pensée qui est sérieuse. Je suis très fier quand on vous admire, quand à l'opéra, aux courses, enfin, dans toutes les cohues où l'on se presse, je vois que la plus jolie femme est de mon pays et de ma race. Je suis, à ma façon, très patriote et très aristocrate. » Comme Christiane souriait, elle ajouta, « Or, vous êtes, sans contredit, la plus jolie femme de la saison. Vous êtes beaucoup plus jolie cette année que les années précédentes, je le reconnais. Je croyais qu'on allait vous abîmer en vous transformant en femme chic. Je me trompais absolument. Montau est un grand homme. » Madame d'Argonne restait silencieuse. Elle reprit. « Et puis, vous ne savez pas comme je m'amuse, oui, de la fureur des autres qui vous jalousent, qui vous imitent, qui éclatent de rage dans leur peau en voyant que vous triomphez sur toute la ligne. Ainsi, tout à l'heure, quand on vous faisait des compliments sur votre Amazone, eh bien, Madame de Treuil écumait. Oh, en dedans, très habilement, en admirant aussi, et réellement, sinon de bon cœur. » Christiane dit tristement, « Elle ne m'aime pas, Madame de Treuil. Celle-là, c'est un peu son droit, dame. Mon cher cousin Morière, le beau des beaux, la fleur du chic revient à Paris. C'est un événement, vous pensez. Toutes les femmes en vue se demandent, anxieuses, laquelle il va distinguer. » « Oh !» fit Christiane, incrédule. « C'est à ce point-là. » « Comment, si c'est à ce point-là » « C'est-à-dire qu'elles en bavent d'angoisse. » Donc, il arrive et il distingue. Mais là, pan, au débeauté, qui ?« Agar. » Du même coup, votre mari, qui est l'homme le plus chic après André, se met à flirter avec la dite Agar, que l'admiration du dit André désigne tout naturellement à la sienne d'admiration. « Oh, croyez-vous ? » balbutia la comtesse embarrassée. « Absolument. Et vous l'avez très bien vu, avec votre mari, ça reste un simple flirt correct et embêtant, avec André, ça devient ce que ça devient toujours avec lui. Comme Christiane rougissait, elle appuya. « Toujours !» Sur ce, vous, vous imaginez de devenir du jour au lendemain la femme la plus étonnamment chic du monde. Vous affolez, volontairement ou pas, André, qui lâche d'abord un peu, puis tout à fait, Madame de Treuil. Et votre mari continue à emboîter le pas André, d'autant mieux qu'il est cette fois à même d'agir avec facilité. Vous vous figurez des choses ? Je n'ai pas cette peine, je n'ai qu'à les voir. Dans tous les cas, Madame de Treuil n'a pas l'air de soucier beaucoup à présent de Monsieur de Morière. Elle ne le regarde même plus. Il ne faut pas s'y fier. Une femme ne devient pas ainsi au commandement indifférente à l'homme qui a obtenu d'elle tant de choses. Elle le déteste ou elle l'aime encore. Quand j'étais petite, il y avait une ouvrière qui venait en journée chez ma grand-mère, et de la pièce où je travaillais, je l'entendais chanter avec un accent pénétré, d'une voix de gorge extraordinaire et attendrie, que j'ai encore dans l'oreille après plus de 20 ans, un refrain qu'elle répétait sans jamais se lasser. Peut-on regarder d'un œil sec l'homme qu'on a aimé avec ? Comme Madame d'Argonne riait, elle ajouta « Ce n'est pas des très beaux vers, mais c'est une pensée très humaine. Je crois que malgré le chic, qui veut qu'on n'aime que superficiellement, Madame de Treuil ne regarde pas encore André d'un œil sec. Elle disait vrai, la chanson de l'ouvrière. On ne regarde pas d'un tel œil l'homme qu'on a aimé avec, surtout quand cet homme est André de Morière. « Je suis désolé, » balbutia Madame d'Argonne. Qu'on m'en veuille sans que je fasse rien pour ça. J'aimerais bien mieux être laide. » Rosette fit un mouvement. « Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Moi, ça aurait été mon rêve d'être jolie, jolie. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur pour une femme. C'est quand j'étais plus jeune, surtout quand j'avais 20 ans, que je souhaitais ça. » « On croirait vraiment, » dit Christiane en riant, « que vous étiez laide. Mais certainement. Oh, je ne vous dis pas que j'étais laide à en souffrir, non. » Mais enfin, je n'étais pas jolie du tout. Et j'aurais voulu l'être pour embêter les femmes qui ont le caractère mal fait. Oui, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Plus une femme est jolie, plus je suis contente de la regarder. J'aime les êtres beaux, bien portants. Je ne peux pas voir les gens malsains, excepté si c'est des pauvres. Auquel cas, je peux même très bien y toucher. Mais dans un salon, avec des bijoux ou des décorations, ça me dégoûte. Je ne vous dis pas que ce soit un sentiment généreux, « mais c'est pas ma faute, je suis comme ça. » Elle se retourna. « Tenez, dans ce moment-ci, André vous mange, et Madame de Treuil ne rit pas. »« Vous rêvez, » dit Madame d'Argonne, troublée. « Monsieur de Morière ne pense pas à moi tant que ça. »« Il y pense beaucoup, et tout le temps. C'est même, depuis que je le connais, la première fois que je le vois penser à une femme quand elle n'est pas là, et ça m'inquiète. »« Ne vous inquiétez pas, il ne lui arrivera pas de mal. » Devenue sérieuse, la petite de Givray répondit « Oh, ce n'est pas de lui que je m'inquiète. »